بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل. Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. Ô toi qui t'emmitoufles dans tes vêtements. قم الليل إلا قليلا. Lève-toi la nuit pour prier et n'en accepte qu'une petite partie. نصفه أو انقص منه قليلا. Ce sera sa moitié, un peu moins. أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. Ou un peu plus. Et récite le Coran de ta plus belle récitation. Inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Nous allons bientôt te faire porter de lourdes paroles. Inna nashi'ata al-layli hiya ashadd wat'an wa aqwam qila. La prière du réveil nocturne est d'un impact plus profond et les paroles en sont plus justes. Inna laka fin-nahari sabhan tawila. Tu as en vérité de longs moments d'activité pendant la journée. Wadhkur isma rabbika wa tabattal ilayhi tabtila. Évoque le nom de ton Seigneur, voue-toi exclusivement à son culte. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. Il est le Seigneur du levant et du couchant. Il n'est point d'autre divinité que lui. Prends-le donc pour unique protecteur. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. Prends patience ce qu'ils disent et déserte-les de la désertion la plus sereine. وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا. Laisse-moi avec les contradicteurs, qui sont privilégiés par les biens de ce monde. Accorde-leur quelques répits. إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا. Nous disposons pour eux de lourdes chaînes et d'un ardent brasier. وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. D'une nourriture qui étouffe et d'un supplice très douloureux. يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. Ce jour-là, la terre et les montagnes s'ébranleront et les massifs se mueront en dunes de terre mouvante. Inna أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا. Nous vous avons envoyé un messager qui témoignera contre vous, comme nous avions déjà envoyé un messager à Pharaon. فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا. Pharaon ayant désobéi au messager, nous sévîmes contre lui d'une façon implacable. فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا. Comment, si vous mécroyez, pourrez-vous donc vous protéger d'un jour où les enfants seront chenus ? السماء منفطر به كان وعده مفعولا. Le ciel alors en sera fendu car sa promesse à lui se sera accomplie. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. Voilà qui est un rappel. Prenne donc qui voudra le chemin vers ton Seigneur. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthay al-layli wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatun min alladhina ma'ak.